Ouais, c'est qui là? Fatal, c'est Vito. Ouvre-moi. Ça va, Vito? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas taper. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée à boire. Fatal, je la sens pas, je sais pas. Elle doute. Mais Vito, arrête, tu sais, ta meuf t'aime. Ta meuf m'a dit, tu sais, avec Vito, la confiance règne. C'est mon petit chou à la crème. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ta meuf est cool, ta meuf est bonne, Vito. T'en que des tonnes, elle se doute de rien, elle est trop conne. Oh, mais qu'est-ce t'en sais, toi? Ça fait le mois qu'elle me fait trop peur. Oh bon? Qu'elle check mes messages tous les quarts d'heure. Change ton code PIN. Elle a infiltré mon répondeur. Ma meuf est devenue une autre femme, ouais. T'es sûr de toi? T'en as la preuve par trois? Elle devient zarbi. Toutes les nuits, elle me fait suivre par son frère Denis. Qui a même prévu de me casser la gueule mardi. Ça tient l'angoisse, un vrai cauchemar. J'ai tellement peur d'elle le soir, je dors à l'hôtel. Elle est à côté de ma plaque, tu kiffes de ken des autres nanas, toi. Tous les trucs bizarres, les plans à trois et les pétasses, quoi. Tous tes bobards pour tes 5 à 7 peinards. T'as un putain dans le slip, un Vito, t'es un bon que t'as. J'aime-moi. Eh ben voilà, dis-lui ça. Excuse-moi. Voilà, ça c'est bien ça. C'est arrivé que j'ai soif. Ouais, non, ça lui dit pas. Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle. Ok, on voit la tête, donne-moi les clés, ce soir on fait la fête. Putain, j'y crois pas, donne-moi une claque. Comme elle t'a rayé ta BM, elle t'a crevé ta BM. Elle a même chié sur la banquette, la BM. Alors que putain, c'est la BM. Excuse-moi. Ah, mais pourquoi elle a pété ma gueule? Je sais pas. T'osais pas lui dire quoi? Qu'elle était à toi. Oh, enfin, moi je l'avais emprunté, t'as vu. Je voulais pas assumer de la sortir en pétrelle. Bah parce qu'elle va me la rembourser, c'est abusé. Allez, faut que tu lui parles, gros. J'ai la gerbe là. Et bah ouvre la boîte à gants alors. J'aurais pas dû tenter les fruits de mer dans le cocktail. Vas-y, tape. Non, tape, je t'ai dit. Ouais, 12 secondes, j'arrive. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi toute cette violence? Moi j'ai rien fait, moi. Ouais, dis-lui. Je te jure, cette fille, je sais pas ce qu'elle foutait chez moi. Hein? En tout cas, j'étais pas bien, c'était pas moi. Parce que moi, je chantais ma chienne. Ta chienne, elle est morte il y a 3 ans, vas-y, dégage. Ah non, justement, elle s'en est sortie. Mais ferme ta gueule, mon gars. Et toi, mère Teresa, s'il te plaît, calme-toi. T'es tendu comme un string, appelle d'un coup ou quoi? La BM, c'est à moi. En plus, je ne savais pas, mais je l'avais prise à ma mère. Ferme ta gueule, toi aussi, le pauvre, il fait dans son calcif, putain. Vas-y, garde-les pour ta mamie. Oh, pourquoi tu me tapes, mais ça va pas? T'es pas une meuf, t'es un idiot, quoi. Oh putain, viens, j'ai les fonds, on se casse d'ici. Dépêche-toi. Mais passe-moi les clés de la caisse, putain. Ouvre-moi. Monte, on sera en sécurité. Si j'ai peur, moi. Eh ben, elle fait du free fight ou quoi? Elle serait même capable de me finir à coup de pelle. Non, mais elle rêve, elle. Elle me force à faire la vaisselle. Elle veut que je sorte les poubelles. Mais qu'est-ce que je fous avec elle? Oh, mais qu'est-ce que je fous avec elle? Mais qu'est-ce que tu fous avec elle, t'as vu? Qu'est-ce que je fous avec elle? Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Non, tranquillement, ouais, gros, tac, tac, bang, bang. Lève les bras, lève les bras. Yeah, yeah, pump it up. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je kiffe la vibes. C'est bon, te fais enculer toi. C'est vrai, c'est pas moi qui dois supporter ses copines. Gare, gare, la routine, le temps passe dans la cuisine. Oh ouais, pisse, la porte ouverte, on ne se rase plus sous les bras. Oui, mais les meufs, c'est aussi ça, Vito, ne désespère pas. Regarde-moi avec toutes les femmes que j'ai connues, j'en pouvais plus. Et vu l'amour m'est tombé dessus, j'ai fait une croix sur les petits culs. Car c'était moi le nymphomane, le plus cutard de Paname. Mon ex a fini dans la cam, j'ai dû appeler une salle sociale. Ma vie, c'était de sauter les michetonneuses de Paris. Et puis dans le tas, toi-même tu le sais, un bon paquet de travestis. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai remonté ma braguette. Y'a pas que tu dans la vie, Vito, mais ça doit dans la tête. Qu'est-ce que tu me sors, toi? Tu veux dire t'es plus un mec et que tu marches droit? Arrête. Que tu restes chez toi la nuit quand elle est pas là. Ouais, bien sûr. Ton troisième bras. Ouais. Depuis quand c'est plus lui qui dans ta vie fait la loi? Et tu sais ce que tu fais là? Mais ouais, bien sûr. Consulter tes mails. Ouais. Et ton disque dur externe. Oublier ton Bluetooth. Ouais. Cliquer sur ta carte non. Mère. Mais monter ta webcam. Rentrer dans ton Minitel. Si t'es sûr de toi. Ouais, bah quoi, bah quoi. Alors donne ton téléphone, on écoute ton répondeur et on verra. Mais arrête là, t'es fatigué, t'as la haine. Rends-moi mon téléphone, qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire pour toi. Mais ça se fait pas de expliquer les gens comme ton ça là. Raccroche je putain. Pour toi. Va t'arriver des bricoles, tu prends le cric, la bombe lacrymogène, attention. Vous êtes bien sur la messagerie de Mixer, lâchez un message après le bip sonore, parce que si vous le lâchez avant, bah ça marche pas. Composez votre code secret et terminez par 12. 12. Vous avez 2600 nouveaux messages. Pensez à archiver. Reçu hier à 22h51. Ouais, trop bon, attention, Vangui, alors bien ou bien, salut, bien. Reçu hier à 22h61. Ouais, bébé, c'est la maman de Vito. Oh, ça fait une heure, tu me manques déjà. Tu me manques. Ah oh là là, qu'est-ce que tu m'as mis. Vivement demain. Gros bisous, tu sais. Alors, c'est bon, ça va là, t'es calmé. Tu vas la fermer, ta gueule. Fatal, tiens-toi prêt, faut que je te parle. Tu vas passer ta vie dans le noir. Parce que je vais crever les yeux.